Pourquoi Dieu a inventé les cheveux bouclés, les cheveux frisés, c'est moche, les cheveux frisés. Pourquoi Dieu a inventé les jolies filles dénudées, vous messieurs dames vous font sourire, mais moi me fait souffrir. Pourquoi Dieu a inventé les pauvres cœurs brisés, les romantiques losers comme moi, qui ne croient plus en moi. Pourquoi Dieu a inventé les cheveux bouclés, les cheveux frisés comme loup, celui qui parle beaucoup, il parle de la guitare, il parle de la guitare. Alors c'est simple, fait tu as 6, 7, 7, c'est 8 pour la case 2, il parle de la guitare, 2 et 2 dièses, là tu rates les 3 premières cordes, il parle de la guitare, tu veux cette guitare qui a 2, son overdrive, il prend le flog, et ça fait 3 ans que cette guitare, oui.